Ouais, y'a mon MP3 qui... Oui, un peu trop speed pour moi. Déjà ça va trop vite encore comme ça.